Parmi les dangers que certains disent possibles dans le monde de l'astral, l'un des dangers qui ne vous concerne pas parce que ça ne peut vous arriver, ouais, c'est celui de ne pas être capable de retrouver son corps physique. Ouais. Cela ne peut vous arriver parce que vous avez compris, n'est-ce pas, ce que j'ai déjà dit au sujet de certains paliers du monde de la mort. Un palier où, entre autres, on rencontrait de la lumière fabuleuse. Comme vous savez que vous ne devez faire confiance à rien du monde astral, vous savez que vous ne devez rester dans ces mondes, dans ces paliers du monde de la mort, même si ces paliers semblent extrêmement beaux, ouais. Vous ne pouvez non plus vous faire voler votre corps physique par une autre entité astrale ou par une entité du monde de la mort à la recherche d'un corps. Non. La seule façon qu'a le monde de la mort de voler un corps physique, ouais, c'est d'obnubiler la conscience du voyageur astral, ouais. Une mémoire du monde de la mort peut, si le voyageur n'est pas attentif, convaincre ce voyageur qu'il est cette entité, ouais. De cette façon, vous réincarnerez quelqu'un ou quelque chose qui ne fait pas partie de votre plan de vie, ouais. Il n'y a pas de danger en ce sens que l'entité ne peut vous forcer, ouais. Mais votre orgueil, elle, peut accepter lorsque l'entité se prétend être quelqu'un que vous respectez, que vous aimez historiquement ou que vous aimeriez devenir, ouais. Il est facile de dire à une entité vivante, à un humain qui est orgueilleux que il a été Jules César, par exemple, et l'entité qui veut maintenant devenir l'humain se fera passer pour Jules César, deviendra un guide, un maître à ce voyageur de l'astral et progressivement, ouais, le possédera. C'est un danger et c'est la seule façon qu'a le monde de la mort de posséder un corps de chair, ouais, par le voyage astral. C'est pourquoi vous devez retenir ce que je dis, ouais. Si vous ne voulez pas accepter ce que je dis, lorsque je dis que le monde astral est un monde de mémoire, un monde d'illusion, et qu'on ne doit faire confiance à rien de ce que l'on rencontre dans ce monde, bien que ce monde soit utilisable par l'humain dans son évolution, bien que ce monde de mémoire soit la réplique exacte de l'historicité planétaire, alors n'appliquez pas les techniques de voyage astral qui sont enseignées dans les enregistrements qui suivent. Ouais. Si votre conception du monde astral n'est pas celle que j'ai décrite, danger il y a, ouais. Parce que vous risqueriez d'aller là où il ne faut aller. Vous risqueriez de faire des rencontres que, justement, je veux vous éviter, ouais. Alors, si vous agissez à l'encontre de ce que je viens de dire, sachez une chose, ce sera votre karma. Et non le mien, ouais. Un grand danger majeur. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ouais. Il ne faut jamais faire confiance au monde astral. Jamais. Car il omnubile la conscience de l'homme. Ouais. Vous risquez, et ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de croire à ce qu'ils vont dire. Vous risquez de rencontrer de la mémoire de maître, de la mémoire de guide de lumière, ouais, de la mémoire d'avatar, de la mémoire de Christ, ouais. Et dans le monde astral, lorsque l'on rencontre ces mémoires, elles sont toujours lumineuses, ouais. Car le monde astral ne se présente pas devant l'homme de façon à ce que l'homme la rejette, non. Elle se présente devant l'homme exactement comme ce que l'homme attend. Ouais. Et on doit faire attention à ce genre de choses. Ces maîtres En réalité, c'est mémoire de maître. Ont encore l'idée de sauver l'humanité, ouais. Mais ce ne sont pas les maîtres, car les maîtres n'habitent pas le monde astral. L'expérience du maître habite le monde astral, mais pas le maître. L'expérience du guide de lumière habite aussi le monde astral, mais pas le guide de lumière. Vous ne pourrez non plus me rencontrer, ouais. Mon expérience habite le monde astral, ouais. Pas moi, tel que je vous parle maintenant. Même lorsque vous serez dans l'astral, ceux qui vous rencontreront ne pourront entrer en contact qu'avec la mémoire de votre passage dans le monde astral. De même, lorsque vous voyagerez en groupe, vous ne pourrez voir que la mémoire du groupe, même si celle-ci n'est décalée que de quelques fractions de seconde, de l'instantané, de la réalité, ouais. Alors, on ne doit appliquer que ce que notre conscience considère comme étant juste pour nous. L'information du monde astral, ouais. Dans la majorité des voyages astraux, l'information historique est utilisable et intéressante, ouais. Mais les enseignements donnés par ces mémoires de maître sont souvent colorés. Colorés par l'étage où vous êtes. Colorés par l'émotivité qui vous entoure. Colorés aussi par votre besoin, votre quête, votre recherche. Ouais. Colorés. Lorsque l'âme voyage dans l'astral, il rencontre par exemple un temple. Et dans ce temple, il pénètre. Mais ce temple construit à même la substance astrale dans l'astral ne sert qu'à le tromper. Et les informations qu'il ramène ne valent rien, ouais. Par contre, de temps en temps, des personnes vont dans l'astral et c'est un danger. Ce ne sont pas des dangers qui tuent. C'est un danger qui obnubile la conscience. Ouais. Elles vont dans le monde astral et découvrent des choses. Lorsqu'elles retournent dans le monde de la matière, lorsque leur corps est réveillé, à la recherche de ces mêmes choses, elles peuvent ne rien trouver. Ouais. Et cela ne veut pas dire que leur voyage astral était faux. Cela veut dire que beaucoup de choses qui existent dans l'astral n'existent plus ou n'existent pas encore dans la matière. Ouais. Ouais. Dans le monde astral, il y a aussi la possibilité de connaître certaines trames de l'avenir, ouais. Mais, hélas, pour vous, et en même temps, tant mieux pour vous, nous n'étudierons pas ce genre de voyage. Vous connaîtrez l'avenir, lorsque vous connaîtrez l'avenir, ouais. Pas par le voyage astral, là où la coloration et l'illusion sont maîtres, ouais. Et l'un des derniers grands dangers que vous pourrez rencontrer, ouais, est le choc que vous vivrez devant certaines informations, ouais. Plusieurs choses que vous croyez être vraies seront revues d'une façon plus réaliste, ouais. Et certains concepts, certaines théories, certaines croyances chez vous risquent d'éclater, ouais. Mais c'est cela l'évolution. L'éclatement du faux, ouais, pour libérer le vrai. Et ce que je dis, aussi banal semble-t-il, aura une importance capitale chez vous, ouais. Vous voyagez pour découvrir, par exemple, ce qu'était votre grand-père ou votre grand-mère. Et ce que vous voyez n'est pas ce que vous vouliez voir, ouais. C'est le choc. C'est un danger parce que l'expérience du voyage astral est de même nature dans la psychologie humaine qu'une expérience réelle, ouais. Un cauchemar peut traumatiser une conscience humaine autant qu'une expérience dans le corps physique, dans la matière, ouais. Si, par exemple, vous vivez un écrasement d'avion dans l'astral, ouais. Vous pouvez être traumatisé, exactement comme la personne qui en vit un dans la matière et qui s'en sort vivant. Ouais. Le choc face à l'information. Ouais. Dans ce cours, nous commencerons les voyages bénins. Il ne faut pas être impatient. Ouais. Il faut être sérieux et prudent. Ouais. Le voyageur de l'astral ne recherche pas l'émotion. Il ne recherche pas la distraction. Il ne recherche pas l'amusement. Ouais. Il ne recherche pas l'effet méritoire du voyage. Le voyageur de l'astral doit rechercher uniquement l'information qui lui manque pour comprendre et ajuster les choses dans sa conscience. Ouais. Alors le voyage astral est utile. Bon. Et efficace. Ouais. Pour bien être sûr, certain, convaincu de comprendre les dangers, je recommande encore une fois la réécoute de cet enregistrement. Ouais. Quitte même à noter sur une feuille les points particuliers. Ouais. Et attention à l'orgueil. Ouais. Parce que il s'aveugle lui-même, celui qui croit pouvoir regarder le soleil en face. Ouais.